بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس التاسع وأربعين ومئة 349 leçon. Toujours dans كتاب الآداب, livre du comportement. يقول المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال الثالث وثلاثين وثلاثمائة وألف 1333 question. ما هي الرشوة؟ Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle justement les pots de vin? C'est l'argent que l'on paye pour obtenir un droit qui ne nous revient pas ou pour annuler un droit qui revient à soi-même ou aux autres. D'accord? Après, il dit, Fiswal Rabia, Wasalasmiya Walf, 1334e question, Ma hukm rishwa. Maintenant, on connaît son jugement en islam. Cela est haram. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, quand on l'a. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي ومرتشي que le Nabi sallam a maudit celui qui paye le pot de vin, celui qui le reçoit, apporté par Abu Daoud. Maintenant, il faut savoir une chose, il y a des fois, comme on dit bien, c'est le fait de payer pour une chose qui ne te revient pas ou pour annuler une chose qui revient à quelqu'un ou à soi-même. Donc des fois, il y a des situations qui arrivent fréquemment où des gens, tu veux ton droit, ils t'imposent de leur donner un pot de vin pour recevoir ton droit. Dans ce moment-là, toi, tu payes si tu n'as pas le choix et tu n'as pas de péché. Car c'est lui qui t'aura contraint de la sorte. Par exemple, tu vas avoir un papier administratif et l'employé, ça c'est un truc qui est très fréquent dans les pays d'islam malheureusement, à l'Assaf, et l'employé te dit, moi je ne signe que si tu me donnes tant, autant, autant. Ou alors tu viens à la douane et dit, tu ne passeras pas parce que tu me donnes tant, autant, autant. Mais là-bas, c'est ton droit de passer ou d'avoir ton papier. Lui, t'en empêche par pure injustice. Et ben lui, tu lui donnes, d'accord, en lui donnant cela, toi tu n'as pas de péché, c'est lui qui prend le péché. Car là-bas, c'est ton droit, il n'a pas le droit de t'en priver. ثم قال في السؤال الخامس وثلاثين وثلاثمائة وألف 1335 question ماذا يسمى من خبأ البضاعة الرديئة تحت البضاعة الصالحة تحت حتى لا يراها الناس. Maintenant, comment appelle-t-on celui qui aura caché une marchandise défectueuse en dessous d'une marchandise en bon état afin que les gens ne la voient pas? On appelle ça قال riche de l'escroquerie. Et dans la question d'après, il dit quel en est le jugement de cette escroquerie. On dit que cela est haram, cela est interdit. Et le dalil, c'est le hadith d'Abu Huraira, « An Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra ala subratin ta'am fa adkhala yadahu fiha fa nalat asabi'ahu balalan. » Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est passé pour un étalage de nourriture, il a remis sa main et sa main, ses doigts ont touché une chose humide. « Faqala ma hadha yas'ab al-ta'am » Il dit « Qu'est-ce que cela ?» à celui qui possède la nourriture. قال أصابته السماء يا رسول الله. Il a dit que c'est de la nourriture qui était atteinte par la pluie. Il dit فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشها فليس مني. Il a dit pourquoi tu ne la mets pas en haut afin que les gens puissent la voir. Et celui qui nous escroque ne fait pas partie de nous. Apporté par Muslim. D'accord. Quand certains ils vont vendre de la nourriture, des cajots par exemple. Un panier de pommes ou de bananes ou quelconque, il va mettre dans ce même panier les fruits pourris en dessous et les bons au-dessus. Et quand tu vas croire qu'ils sont tous entiers, qu'ils sont tous corrects, alors qu'au fond, tu arrives chez toi, tu te rends compte que les fruits en dessous ils ne sont pas bons. Donc ça, c'est des escroqueries. ثم قال بعد ذلك في السؤال الثامن وثلاثمائة أو ثلاثين وثلاثمائة وألف 1333 question. أذكر حديثا يدل على عدم الإضرار بالمسلم. Maintenant, il dit c'est un hadith qui prouve qu'il n'est pas permis de nuire aux musulmans. C'est le hadith d'Ibn Abbas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار, qu'il a dit Nabi sallam, pas de mal à soi-même ni aux autres ni à autrui. Et dans une version, pas de mal que ce soit involontaire ou involontaire à faire. Et ce hadith-là, même plus général, il touche également le kafir, qu'on ne nuit pas au kafir. Le mécréant, on ne fait pas de mal. On n'a pas le droit d'être injuste envers lui. Il a des droits également qui se doivent d'être observés. Selon les mythes de la législation. ثم قال في السؤال 40 و300 و1340 question. إذا أهدى لكم أخوكم المسلم هدية فماذا تفعل? Si jamais un frère t'offre un musulman, t'offre un cadeau, qu'est-ce que tu fais? Dis-tu l'acceptes. تمام? Tu l'acceptes, comme dans le hadith d'Aïcha, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam acceptait les cadeaux. Et Yusibu alayha, Le fait, je ne sais pas comment on pourrait te dire cela, donc je m'en abstiens. En tout cas, le shahid du hadith, c'est que le cadeau, on l'accepte. D'accord? De refuser un cadeau, cela est contraire à la sunna. Refuser un cadeau, cela est contraire à la sunna. ثم قال في السؤال الثالث وأربعين وثلاثمائة وألف 1343e question. ما حكم الشرب قائما؟ Qu'en est-il de boire debout? Tout ça, l'auteur aurait dû le mettre dans le comportement du manger ou du boire. Ça n'a pas été bien classé. Il y a plein de questions, comme je l'ai dit auparavant, qui ne sont pas vraiment à leur place. Elles auraient été mises dans le sujet qui les concerne, ça aurait été plus adéquat, plus clair. Là, c'est un petit peu mélangé. Mais bon. Donc, qu'en est-il de boire debout? Cela, c'est une chose qui est détestable. Makruh. Le makruh, détestable, c'est une chose que l'on fait. Que si jamais on l'a fait, on ne prend pas de péché. Si jamais on la délaisse par obéissance d'Allah Azzawajal, on en est récompensé. Et c'est la chose détestable chez, chez ce qu'on appelle le mutaqaddimin. Les savants parmi les derniers. Et chez les premiers, makruh, même dans la législation, makruh, là-bas, ça veut dire détestable, une chose qui est haram. Mais là, ils veulent dire par là une chose qui est détestable, c'est-à-dire que on n'en est pas récompensé, on n'en est pas puni si on l'a fait comme un péché, mais on est récompensé si on la délaisse. Donc, dans le hadith de Anas, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu naha an yashraba rajul qa'iman. Qu'il est dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il interdit que l'homme boive debout. Et maintenant, on pourrait dire, d'accord, donc ça veut dire que c'est interdit de boire debout. On dit qu'après d'autres ahadiths sont venus montrer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bu debout. D'accord? Cela, il a bu debout. Ce qui prouve que par son acte, que cette interdiction était juste à un côté détestable, non pas dans l'interdiction absolue. Et il y a des ulama comme Cheikh Al-Albani, qui lui voit que cela est interdit dans l'absolu. Mais la parole qui paraît comme étant la plus prépondérante, c'est que cela est juste détestable. Wallahu ta'ala alam. ثم قال في السؤال الرابع وأربعين وثلاثمائة وألف 1344e question. ما حكم الشرب في آنية الذهب والفضة؟ Qu'en est-il de boire dans un récipient d'or ou d'argent? Et cela également est haram. Comme dans le hadith de Hudayfa, رضي الله عنه, قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها في صحافها فإنها لهم في الدنيا. Il a dit, Nabi Salam, ne buvez pas dans des récipients d'or ou d'argent, ni mangez. Ne mangez pas dedans, dans leurs plats, car elles sont pour eux, c'est-à-dire aux mécréants, en ce bas monde. Et dans une version, et pour vous, dans l'au-delà, après la mort. Et d'autres hadiths sont venus prouvant cette interdiction. Sama qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala al-mu'allifu, fi s-suwal al-khamis, 40 و 300 و 1000 1345e question. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. فما هي اليد العليا واليد السفلى؟ Il a dit Nabi sallam que la main haute supérieure est meilleure que la main inférieure. Donc qu'est-ce que la main supérieure, qu'est-ce que la main inférieure? Ça c'est dans le hadith de Ibn Omar. D'accord? Qui lui a expliqué par la suite ce que cela voulait dire. Et qu'en fait, la main inférieure, c'est la main qui demande. Et la main supérieure, c'est la main qui donne. D'accord? La main inférieure, ce n'est pas forcément la main qui reçoit en soi. Non, c'est la main qui demande, la main du mendiant. Cette main-là, c'est la main qui est inférieure. Et la main qui donne, c'est celui qui donne. La main supérieure, c'est celle qui donne. Donc, ne pas croire que toute personne qui reçoit ce qu'on lui donne, que sa main, elle est inférieure. On dit non, toi, tu n'as pas demandé. Pas pareil. Celui qui a demandé, c'est lui. D'accord? Celui qui a demandé. C'est lui dont sa main est inférieure. Et comme vous savez, à la base, mendier en religion, sauf dans les cas précis, cela n'est pas permis. Par exemple, donner de l'argent aux gens sans raison valable, qui sont des raisons précises par des textes, cela n'est pas valable. Et ne pas confondre, comme on avait parlé la dernière fois, avec le fait d'intercéder pour quelqu'un, demander d'aider quelqu'un, sans recevoir, mais en indiquant, en disant par exemple, aide tel projet, aide telle personne, à casa, à casa. Sauf pour te mettre en avant toi et demander aux gens pour telle et telle raison, alors qu'on ne te l'a pas confié, et à ramasser de l'argent, et à demander aux gens, à importuner les gens, et à agacer les gens, et en insistant, comme on le voit chez malheureusement beaucoup de gens, en cette époque. Voilà, Azubillah. Soma Kalev, Jisouel, Salis, ou Arbaïn, ou Salasmi, ou Elf, 1346e question. إذا لقيت كافرا فهل تسلم عليه؟ Si jamais tu rencontres un mécréant, est-ce que tu lui passes le salam? On dit non, on ne passe pas le salam au mécréant. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. Un homme musulman, c'est-à-dire ne commencez pas à passer le salam avec les gens du livre. Et si jamais ils nous passent le salam eux, طيب, qu'est-ce qu'on doit lui dire? On doit leur dire wa alaykum. C'est tout. Comme dans le hadith de Aïcha. On leur doit leur dire wa alaykum. Ça, c'est un jugement qui est propre aux mécréants. Auparavant, on avait pris un verset qui disait de façon générale que si jamais quelqu'un nous passe le salam, parce que si jamais on passe le salam, alors rendez de meilleure façon ou de la même façon. Ça, c'est un verset qui est général. Maintenant, le jugement qui est pour les mécréants, les gens du livre plutôt, cela c'est spécifique. D'accord? On leur dit wa alaykum. On leur dit wa alaykum, c'est tout. Comme cela est justement dans le hadith, dans la question suivante, dans le hadith de Anas ibn Malik, et c'est également un hadith de Aïcha qui est venu dans ce sens-là. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a salam alaykum ahlul kitab, faqulu wa alaykum. Faqulu wa alaykum. Et vous leur dites alaykum. Donc le hadith, il est clair. Wa kada. C'est ça que ça fait bien d'aller au monde, alhamdulillah.